Helmut, comment vas-tu? Ah, ça va bien, ça va bien. Ah, mes amis, comme vous le savez, je suis au service de pas mal de monde, notamment dans le showbiz. Bref, et à soir, j'étais tranquille chez moi en train de donner une leçon de chabit à Valérie, histoire de lui changer les idées, le pauvre, que d'un seul coup, le téléphone sonne. Ah. C'était France Télévisions qui me demandait de remettre en forme une de leurs pouliches qu'ils pressentaient pour présenter en maillot les prochains jeux de plage de cet été sur France 3. Ah, il n'y a pas de pognon dans le coup et, comme dédommagement, on m'a promis un droit de cuissage absolu sur tout le personnel. J'ai hésité 12 secondes et j'ai accepté. Je me suis retrouvé dans les locaux de France Télévisions, à côté de la salle de sport, à attendre la candidate. Et puis... Elle est arrivée. Bonjour, bonjour. Maïté. Un cher, mon poulet. Alors, c'est toi qui vas me remettre en forme? Ben oui. Bon, on va y aller tout de suite, hein. Il n'y aura pas trop de 3 mois pour faire fondre un gros machin comme vous. Tu, c'est 3 fois rien. Ce que je dois perdre, c'est l'affaire de quelques petites séances d'abdos et un petit jogging. Oui, enfin, on va y aller quand même. On a donc commencé les exercices, les abdos, comme le souhaitait Maïté. Oh, alors, bon. Eh ben quoi? Il suffit pas de s'allonger sur le tapis de sol, faut se relever maintenant. Allez, les coudes en avant, les genoux pliés. Ah, ben je me disais, c'est facile comme un truc. Attends 2 secondes, mon poulet. Avant de continuer, je vais aller me prendre une petite boisson au distributeur, histoire de me remonter. Oh, fais chier. Bon, ça y est? Ouais, presque. Bon, je vais aller voir ce qu'elle fabrique, la grosse. J'ai pas toute la journée non plus, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais, tu vois pas, c'est un petit remontant. Ouais. Moi, j'appelle ça une soupe! Ah non, désolé, mon poulet. C'est pas une soupe, c'était un jus. Et un jus de quoi? Ben, un jus de cassoulet, pardi. C'est excellent pour l'exercice. Bon, allez, ça suffit avec ta soupe, on y retourne. Attends, mon poulet, je dois aller aux toilettes. Et pourquoi faire, s'il te plaît? Eh bien, c'est qu'avant d'aller faire des efforts, je ferai bien caca, moi. Oh, ça va, hein, c'est pas la peine de donner des détails. Oh, ben, fallait pas me demander. Bon, ben, j'y vais, moi, hein. 20 minutes plus tard, j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains et d'aller voir ce qui s'est passé dans les toilettes. Ah, tu m'as menti, vieille bique! T'es encore en train de manger! Mais c'est juste un peu dur, on n'entend rien du tout, une pauvre barre de vitamines! Drôle de barre, hein? Et c'est quoi exactement? Mais c'est un panini au cassoulet! Cette fois, c'en était trop, Christophe! J'ai laissé la grosse Maïté à ses soupes et ses paninis et je suis parti. Ah, tant pis pour le droit de cuissage. Bon, je vous laisse. Au revoir, Zen.